que nous aurez autre feuillage, arbres géants d'autres remplis, monstrosie de beaux coquillages. La vie est partout sur nos plages, la vie est partout dans nos lits, la vie. Nous sommes les vagues profondes où les yeux plongent vainement. Nous sommes les flots et les ondes qui déroulent autour des mondes. Leur manteau d'azur écumant. Charmé qui sur nous versait.